L'actualité à Nancy et ailleurs. Dimanche 19 avril, à partir de 14h, l'hippodrome de Nancy-Brabois se transforme le temps d'une après-midi. Avec courses hippiques, marchés fermiers, ateliers, animaux, la ferme s'invite à Brabois et on en parle avec Dominique Griffaton, qui est conseillère et animatrice pour Bienvenue à la ferme Meurthe-et-Moselle. Bonjour. Bonjour. Que va-t-il se passer plus précisément à la ferme s'invite à l'hippodrome ? Eh bien, c'est une nouveauté. Hein. On a fait un petit partenariat avec la société hippique de l'hippodrome et ils nous invitent sur leur site. Avec des producteurs fermiers, nous allons constituer un marché fermier d'une dizaine de producteurs avec une variété, une gamme très variée au niveau des produits qui sont proposés. Et puis, en plus, une animation à destination des familles et des enfants autour d'une petite ferme pédagogique avec des animaux, mais toutes sortes aussi d'ateliers ludiques pour, par exemple, faire de la farine, reconnaître des graines. Bien sûr, il y aura un atelier lapin, caresser des lapins. Enfin, voilà, se plonger un peu dans une ambiance de la ferme comme les enfants pourraient le vivre s'ils allaient à la ferme. La ferme s'invite à l'hippodrome un après-midi résolument familial qui est donc organisé par Bienvenue à la ferme, un réseau qui existe depuis 1988. Exactement, donc Bienvenue à la ferme, c'est la marque des chambres d'agriculture, donc cette marque-là est déployée sur tout le territoire, sur toute la France. Il y a un peu plus d'agriculteurs qui adhèrent à ce réseau, à la fois donc, pour promouvoir la diversification, les circuits courts, donc la vente directe, et l'autre partie qui est l'accueil à la ferme, sous toutes ses formes, donc qui peut être de l'hébergement, de la restauration, les fermes auberges par exemple, ou les fermes pédagogiques, les fermes équestres, les vacances d'enfants à la ferme. Enfin, tout ce qu'on peut décliner et tout ce qui peut être sous-entendu sous le mot « accueil à la ferme », dans son sens très large. Quel autre type d'action faites-vous avec Bienvenue à la ferme pour aller vers le public ? Pour aller vers le public, bien, certains marchés, voilà, on est partenaire avec des associations qui invitent des producteurs à venir sur leur site. Hein. Après, ça peut être plus, je dirais, on invite surtout les gens à venir à la ferme. Donc, on a tout un programme d'animation pendant ce printemps, par exemple, qui s'appelle le printemps à la ferme. Donc, à partir des vacances d'avril, donc prochainement, ou à partir même des vacances de Pâques. Et les familles sont invitées à venir sur les fermes pour visiter, pour se rendre compte et rencontrer des agriculteurs dans leur propre milieu, rapprocher, je dirais, le monde citadin ou le monde en général de l'agriculture pour bien comprendre comment ça fonctionne, quelles sont les pratiques. Et puis découvrir de leurs propres yeux une ferme en activité. Ce n'est pas toujours évident de rentrer sur les fermes parce que c'est un lieu de travail, mais là vraiment il y a des rendez-vous qui sont fixés pour que tous ceux qui le souhaitent viennent en famille. Et surtout ça reste un moment d'échange et convivial. Donc il y a des activités qui sont proposées aux enfants, c'est didactique, il y a peut-être des informations qui vont être données, mais on est surtout dans un temps d'échange convivial pour passer un bon moment. La ferme s'invite à l'hippodrome le dimanche 19 avril, c'est une première. Est-ce que vous aimeriez que ce rendez-vous s'inscrive dans le temps ? Pourquoi pas ? Parce que c'est vrai que la situation et l'environnement est vraiment magnifique. Hein. À la bordure de Nancy, dans un environnement très vert, donc avec bien sûr comme décor les courses hippiques qui vont avoir lieu, c'est un joli espace. On se dit que voilà, c'est vraiment en symbiose de retrouver la ferme, les producteurs et la ferme sur cet espace très verdoyant avec le cadre de l'hippodrome et des courses. C'est quelque chose qui pourrait, si ça fonctionne, qu'on pourrait reproduire si tout va bien. Il n'y a pas de souci. La ferme s'invite à l'hippodrome de Nancy-Brabois. C'est donc le dimanche 19 avril à partir de 14h. Vous avez évoqué d'autres rendez-vous pour le printemps. Comment faire pour découvrir un peu tout ce qui sera proposé ? Alors oui, il faut se rendre sur le site donc www.bienvenuealaferme.com/grand-est si on veut avoir plus l'actualité de notre région. Autrement, voilà, pour retrouver vraiment tout ce qui se passe sur toute la France, sur bienvenuealaferme.com. Et il y a l'événement Printemps à la ferme où tous les visites qui sont organisées, visites, marchés, portes ouvertes, stages, c'est vraiment une déclinaison très vaste. Ben, ces adresses-là et ces événements-là sont répertoriés sur l'événement Printemps à la ferme sur bienvenuealaferme.com. Et prochain rendez-vous à partir de 14h le dimanche 19 avril. La ferme s'invite à l'hippodrome. Merci à Dominique Griffaton, conseillère et animatrice pour Bienvenue à la ferme Meurthe-et-Moselle. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.